J'avais juré de te tuer. Mais maintenant que tu es là, devant moi, je ne sais pas. N'aie pas peur et sors ton épée. Et dans mon cœur enfonce-la. N'attends pas, je suis là. Tu es la longue pour deux hommes qui prendra la vie de l'autre pour qui sonne la dernière heure, la dernière donne. Tu es la longue pour une femme, le sang va couler. Mériter de payer tes péchés. As-tu donc perdu ton courage? Faut-il me cacher le visage pour oser me frapper? Tu es la longue pour deux hommes qui prendra la vie de l'autre.